amna benen bu nga xamanteni mom moy zayd habat sawda kalamur rasul habashi zayd habat sawda kalamur rasul habashi bobu nonu tamit yani ñaari bouteille la yu 2 litres ñaari bouteille yu 500 ml ben bu ci nek ñaari bouteille yu 500 ml bobu nonu bouteille bu nek mi ngi ma diké 6100 francs CFA 6100 francs CFA bouteille bu nek légui comme ni ngi ko défé ci biñ ñeul c'est su ima jaay bouteille nonu force ngay bayyi ben bu nga xamanteni day doon comme genre arbre mais so bëggé détailler benen tamit mën ko détailler mais wutal ko ay bouteille yu nga xamanteni yu bax la aussi do ko charger ludul kenn mu soxla ci dal lolu mo moy gëna efficace barakallahu fi ni ngi ma diké bobu non ni ngi ma diké 6100 mom moy wil habat sawda zayd habat sawda kalam rasul habashi bobu non deux bouteilles rek de 500 ml mom mo ci ñew barakallahu fi